Le comité préparatoire thaïlandais pour la journée du soleil est constitué le 21 courant. Le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme séminaires sur les exploits du président Kim Il-sung, conférences et séances de films.